cours numéro 14. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تقدم معنا dans le درس précédent on a fini la lecture du 8e chapitre في الآثار المترتبة على النكاح أي celui qui se marie il aura des devoirs des obligations et on avait détaillé ma yata'allaq qalilan bi an-nafaqa anna le mari doit dépenser pour sa femme ma yata'allaq bi al-libas wa at-ta'am wa as-sukna al-yawm naqra faslan jadidan wa billahi at-tawfiq wa huwa al-fasl at-tasi' fi hukm at-talaq wa ma yura'a fi. Après avoir expliqué dans cette risale an-nafi'a az-zawaj les règles du mariage, tout ce qui est lié au mariage, que ça soit au départ, l'wali, la dot, les témoins, et tout ce que ça va impliquer, min nafaqa ila akhirih. Fal ulama, il cite, après avoir cité هذا الباب العظيم, باب النكاح, il cite ما يتعلق بالطلاق. لماذا? لأن celui qui est marié, il peut avoir besoin de divorcer. Et on verra que dans certains cas, c'est autorisé. Dans certains cas c'est mustahab, dans certains cas c'est haram. Ala kulli hal, connaître ces masa'il c'est muhim. Khassatan celui qui a l'intention de divorcer. Hatta ce divorce yakun mabniyan ala al-Qur'an wa sunnah, pas ala al-hawa. Lena divorcer, il y a des règles. Comme le mariage, on a étudié les règles ensemble. Fa hakada le divorce, il y a des règles bien précises. Quand est-ce que tu peux divorcer? À quelle période? À quel moment? Qu'est-ce que tu dois prononcer pour que le divorce soit valide? Qu'est-ce que ça va impliquer le divorce? C'est le chapitre suivant qu'on verra le prochain dars, Inch'Allah ta'ala. Ça va impliquer des choses. Amma, se précipiter, suivre sa colère, ses passions, iyadam billah. Hada la la yambari. Khassatan dans ces masa'il, limadha li anna hadhihi al-mar'a. Même si cet homme il compte la divorcer, elle a des hukouks. C'est une musulmane. Elle a des droits. Enfin, même si هذا المسلم il veut divorcer, enfin, il doit faire cela avec les règles du Coran et de la Sunna. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفصل التاسع في حكم الطلاق وما يراعى فيه. قال الطلاق فراق الزوجة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة. Donc le divorce ça peut être باللفظ. Aïe, prononcer, dire, matalan, je te divorce. L'ordre sarih, anti taliq. Ou le kitaba, écrire, matalan, de nos jours, un message ou une lettre. Bien sûr, être sûr que c'est bien lui qui a envoyé ce message. Amma si, ou aïdiana, j'ai jamais écrit, hada, enfin, c'est pas pris en compte. Enfin, si c'est lui qui a écrit et il reconnaît, enfin, c'est compté comme un divorce. Ou l'ishara. L'ishara, c'est un signe. Hada, c'est pour le musulman qui n'a pas la parole. Le muet. Et il est marié, fi halihi, si il fait un signe qui montre le divorce, c'est considéré comme le divorce. À la kulli hal, le divorce, ça peut être avec une parole prononcée, ou avec al-kitab, aïe, l'écrire. Ou bien sûr, dans un cas, avec al-ishara. Tout ça, bien sûr, bi niyya. Mais celui qui se trompe, il n'a pas voulu dire et il a prononcé annahu divorce sa femme, fala shak anna, c'est pas pris en compte. Hadhihi al-masa'il, c'est beaucoup lié avec an-niyya. Et al-insan yahdhar, de ne pas plaisanter avec hadha. Wa ba'd al-ulama yaqulun anna hatta al-hazil, celui qui plaisante, il dit à sa femme, matalan, je te divorce, c'est pris en compte. Et c'est compté un divorce. Et il lui en reste plus que deux. Fal insan yahdhar. L'homme, il a le droit de plaisanter avec sa femme, lakin, pas avec ces choses. Pas avec ce sujet-là. فلهذا بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح أنه c'est considéré comme divorce. لماذا? لأنه il a prononcé, il était conscient, il sait ce que ça implique. Même s'il l'a dit avec humour, c'est compté. Et بعض العلماء ils disent là, la bout de minia, il n'a pas le droit de plaisanter avec هذا, لكن c'est pas compté comme divorce. À la كل حال, pour vous montrer l'importance du sujet. قال والأصل في الطلاق أنه مكروه إنه يحصل به تفويت مصالح النكاح السابقة وتشتيت الأسرة وفي الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. La base, نعم, c'est makruh. Vaut mieux éviter l'imada, les anna, des choses qui ne sont pas tayyiba pour l'homme et la femme vont arriver. Il y aura une séparation, khasatan, s'il y a des enfants. Ça nous montre, anna talaq, c'est akhir al-hulul. C'est la dernière solution. Fa qabla talaq, il y a des étapes. Min munasaha, wa ta'dib, wa hajr, wa islah. Lakin sahih, ça arrive dans certains cas, anna tout ça la yamfa. La réconciliation, corriger sa femme, lui parler, la conseiller, tout ça, ça marche pas. Et fi hadha al-hal, qad yakun, ça peut être mieux. Fa fi hadha al-hal, c'est mashrou'. Lakin, bien toujours garder en tête, anna hadha, c'est akhir. At-talaq, c'est akhir marhala, c'est la dernière étape. وفي الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق هذا الحديث فيه ضعف بعض العلماء ضعفوه أي الحلال que Allah déteste le plus أي la chose permise que Allah déteste le plus c'est الطلاق c'est le divorce هذا الحديث إلى ضعيف ولكن لما كان الطلاق لا بد منه أحيانا إما لتأذية المرأة بإبقائها ببقائها مع الرجل أو لتأذي الرجل منها أو لغير ذلك من المقاصد كان من رحمة الله أن أباحه لعباده ولم يحجر عليهم بالتضييق والمشقة et ça, ça nous montre أن أحكام الله سبحانه وتعالى que ce soit le mariage ou le divorce c'est pour مصلحة العباد et c'est fondé sur الرحمة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Allah subhanahu wa ta'ala c'est أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ Le divorce c'est légiféré dans l'islam لِيَنَّا أَحْيَانَا l'homme il a besoin ou la femme elle a besoin أَحْيَانَا la femme elle ne peut plus rester avec cet homme et si elle reste avec cet homme ضَرَرٌ عَلَيْهَا et رُبَّمَا elle va être triste كثيراً la solution c'est le divorce وَهَكَذَا فِي حَقْ الرَّجُلِ Donc ça, ça nous montre que le dîn al-islam s'est fondé sur le rahman. Donc, at-talaq, le divorce, c'est pas interdit. Et kadalik, c'est pas permis dans tous les cas. Par rapport à la situation. Si cette situation, al-afdal, ou al-muslaha, taqtadi, al-firaq, le mieux c'est qu'il se sépare. Hatta cet homme, il se remarie avec une autre femme. Et cette femme, elle se remarie avec un autre homme. Bi-idhnillah. Et c'est mieux pour eux, fa fi hadha al-hal, c'est permis. Qala fa idha kariha ar-rajul zawjatahu wa lam yatahammal as-sabr fala ba's an yutalliqaha walakin yajib an yura'i ma yati. Naqra 'alaykum kalam ba'd ahli al-'ilm fi hadhihi al-mas'ala al-'azima, li'anna on vit à une époque an ce sujet at-talaq il est mal compris par beaucoup. كذلك on vit à une époque de faiblesse et كثير من الناس à cause de leur faiblesse ils se précipitent à divorcer et كثير منهم ils regrettent خاصة quand il y a des enfants فلا بد من التأني on doit faire attention ne pas se précipiter le mariage كما تقدم معنا c'est une ni'ma عظيمة c'est un bienfait من الله سبحانه وتعالى كم من الناس من الرجال أو من النساء ils sont pas mariés Et ils veulent se marier. Ils espèrent pouvoir se marier. Lakin qaddara Allah, ils ne se sont pas encore mariés. Fa anta akhi al-karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné cette ni'ma azima, le mariage. Et tu es fi khayr, fa fais attention de ne pas te précipiter. Fais attention. At-ta'aqqul c'est muhim. Al-hudu c'est muhim, al-sakina. Ne pas perdre ses moyens. خاصةً quand tu sais qu'il y a un ennemi que tu vois pas, Iblis et Junud Iblis من الإنس والجن qui font tout pour diviser المسلمين qui font tout pour séparer ce musulman et cette musulman on doit tous craindre Allah سبحانه وتعالى قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه كما في سؤال أم ياسر الفرنسية Et la question elle a été posée sur Kathratu at-talaq. Sahih, on veut une époque, on a le divorce. Ça s'est multiplié par rapport à la génération de nos parents, maintenant, c'est incomparable. Amma nos parents, kathir min al-awam, kanu ya'taqidun anna at-talaq c'est haram. Falihada at-talaq fihim, il était qalil. Et certaines femmes, à l'époque, elles ont souffert kathiran, lakin elles ont patienté. Elles pensaient que c'était haram. Kadhalik, certains hommes, ils ont souffert kathiran, lakin ils ont patienté. Et kathir minhum, c'était le regard des autres. C'était une honte de divorcer. Et fil haqiqa, ils ont préservé leur famille, et avec le temps, ça, la génération de nos parents, maintenant, avec le temps, les enfants, ils ont grandi, et leur couple, ça se passe bien. Malgré cela, la chakana, dans leur jeunesse, il y a eu des problèmes. أما الوقت كون في كثير من الناس وللأسف وربما واحد كيكون السنة كيكون العلم et vu qu'il connaît شيئا من هذه الأحكام الطلاق et il sait que c'est légiféré فالبعض il se précipite لكن on fait attention aux passions لأن on n'a pas le droit d'être injuste envers cette femme et كذلك cette femme elle n'a pas le droit d'être injuste envers cet homme فلهذا الشيخ مقبل رحمة الله عليه il a conseillé في هذا الباب فقال الذي ننصح به الزوجين التعاون على البر والتقوى اولا سنتريدي في الخير si on a cette niya au départ ان l'homme il veut s'entraider avec sa femme et la femme elle veut s'entraider avec l'homme ça va faciliter beaucoup de choses اما عيادا بالله si l'intention c'est d'avoir le dessus d'humilier l'autre et d'avoir toujours raison et le couple il n'est pas fondé sur العلم والعمل الصالح sur le Coran sur le Coran sur la Sunna la première épreuve, Rubama, ça sépare ce couple. قال رحمه الله وننصحهما أيضا بالأخلاق الفاضلة من الجانبين فإن الشيطان حريص على أن يفرق بين الرجل وامرأته. Et ça nous montre que parmi la plus grande cause de divorce, c'est le mauvais comportement. Une parole, ça peut être la cause de divorce. Ça peut être la femme qui prononce cette parole, ça peut être l'homme. فالأخلاق ton conjoint ou ta conjointe, c'est un être humain, c'est un mu'min, c'est un muslim, c'est une mu'mina, c'est une muslima. La chèque, elle a un cœur, ou il a un cœur, des sentiments. L'insan, il doit faire attention. Il doit faire attention à ce qu'il dit, ce qu'il prononce. Qala, hatta fi ba'd al-ahadith, wa huwa sahih anna ash-shaytana yursilu awladahu liyuharishu bayna an-nas. فيقول أحدهم ما زلت به حتى فارق امرأته فيقول له أنت أنت حتى جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان envoie ses enfants لماذا pour diviser les musulmans فواحد revient à الشيطان et il lui dit j'ai fait tel kada il lui dit t'as rien fait j'ai fait kada tu n'as rien fait حتى واحد منهم il vient et il dit à الشيطان j'ai réussi à séparer fulan et fulan. Et tel couple, ils se sont divorcés. Et il le rapproche et il lui dit « Ant, ant ». Et c'est lui qui est shaitan, il est satisfait de « Hada ». Ça nous montre que « Hada al-adou », il fait tout pour nous diviser. Que ça soit au niveau couple, que ça soit au niveau famille, que ça soit au niveau talabat al-ilm, niveau mashayikh, il fait tout pour diviser al-muslimin. « Qala, wal mar'atu kazzujaja yambari an yuhsin ilayha » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجش رفقا بالقوارير النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé les femmes القوارير القوارير c'est du cristal ربما si tu vas trop fort ça se brise فالإحسان والرفق وقال رحمة الله عليه والمرأة أيضا يجب أن تتقي الله في الرجل فهو يذهب إلى عمله ويعمل طول يومه فلا ينبغي أن يرجع إليها فتقوم لمحاسبته على كل صغيرة وكبيرة. Vous avez remarqué que Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, dans sa réponse, il a commencé à citer les droits de la femme, ثم il a cité les droits du mari. Ça nous montre أن le divorce, أحيانا, ça peut être à cause de la femme, أحيانا, ça peut être à cause du mari. Donc, ne pas mettre دائما la faute sur le mari, ne pas mettre دائما la faute sur la femme. Ça dépend des cas. فلهذا الشيخ مقبل يكونسي لي دو سي شاكان دو سو كوب لوم اي لا فام اي سو ريميتر ان كيستيون اي شاكان في دي زيفور سور لوي ميم ان شاء الله سايرا ميو اما الشيطان احيانا اي نو بوس ا ريميتر لا فوت سور لوتر لا فام ال ريغارد كو سي كوتي انا جي دي دروا تو دووا بيان تو كومبورتي كو موا تو دووا ايت دو انفير موا تو دووا كذا الى اخره تو سا سي حق لكن ال ريغارد با لي زوتر كوتي لوم هكذا احيانا اي ريغارد كو سون كوتي tu dois m'obéir, tu dois faire kada, tu dois faire kada, et il oublie le côté. Si ce couple, chacun, il regarde et il n'oublie pas les droits de son partenaire, fa inshallah ça ira beaucoup mieux. قال والمرأة أيضا يجب أن تتقي الله في الرجل فهو يذهب إلى عمله. هذا سامثال. أن parmi les causes de divorce c'est كثرة المطالب. بعض النساء elles ont beaucoup de demandes, trop de demandes. حتى 7 ans il en peut plus et à un moment donné il demande le divorce. كما قال الشيخ مقبل 7 ans il travaille toute la journée. Et تعلمون Antum, en tant qu'homme, ce que ça va impliquer le travail, c'est dur physiquement. Ahyanan, les collègues de travail, ils disent des choses mauvaises. Ahyanan, ils se moquent. Ahyanan, il y a des problèmes. Mouhim, cet homme, il est sous pression. Ahyanan. Quand il rentre chez lui, au lieu de trouver raha, et cette femme, elle l'accueille avec un accueil tayyib. Et elle ne lui rajoute pas sur ses problèmes. Quand l'homme il n'est même pas encore rentré totalement à la maison, il faut qu'elle elle ne le laisse même pas respirer. Et s'il dit non, khalas, c'est les problèmes. Obama des insultes, Obama hajr, limada. La femme, elle doit s'habituer. Quand elle demande quelque chose à l'homme, la réponse, elle n'est pas forcément positive. La preuve, c'est une demande. Peut-être qu'il a le droit de dire oui ou non. Sauf bien sûr si c'est un haq wajib alayha et il est obligé de lui donner tayyib. Fi hada al-hal, elle patiente avec lui et elle lui demande de la meilleure des manières. Lakin ahyanan c'est du plus. Mathalan, elle a de quoi manger, elle a où vivre, elle a des vêtements, elle a tout ce qu'il lui faut, alhamdulillah, lakin quelque chose en plus. Et elle lui demande. S'il dit non, khalas, c'est la fin. Ça c'est un mauvais comportement et ça va pousser ce mari. Khas satan s'il a des faiblesses, khas satan s'il a un manque de patience, أنه de vouloir tout arrêter. فلهذا قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى فلا ينبغي أن يرجع إليها فتقوم بمحاسبتي على كل صغيرة وكبيرة. كذلك المحاسبة أن tu m'avais dit كذا, tu nous avais dit كذا, t'avais promis كذا, et je t'ai vu, tu as fait كذا. الإنسان il est ضعيف et il y a des moments pour faire النصيحة. أما cet exemple qu'il a donné الشيخ مقبل il est طيب. لماذا؟ Quand tu rentres du travail, ce n'est pas un moment pour le muhasaba. Là, il rentre et il vient de travailler toute la journée. Il faut du repos. Peut-être qu'il a besoin de se laver, peut-être qu'il a besoin de manger, un peu de repos. Et quand elle voit que cet homme, il est reposé, il a le sourire et commence à. Elle voit que ça se passe bien, elle commence, il y a quelque chose. Elle voit que quelqu'un. Il n'est pas prêt à parler. Ahyanan, tu le vois sur le visage de la personne. Enfin, c'est pas min al-hikma de lancer la conversation. Khassatan l'homme avec la femme. Lianna l'homme, il a un haq. Il a un haq azim. Qala, bel yajib an takoun ni'ma al-aoun lahu kama qalat Khadija radiyallahu anha. Kalla wallah, la yukhzik Allah, innaka latassil al-rahim ila akhir. Il y a quelques semaines, walillahi alhamd, ensemble, on a étudié la biographie de Khadija, radiyallahu anha, on avait insisté sur ce point. Elle doit aider cet homme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la première fois la révélation, il a eu peur, il a craint pour sa vie, c'était la première fois qu'il voyait Jibril, radiyallahu anha, ou alayhi salam. Khadija, quand elle a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans cet état, annahu il tremblait, il a akhiri, zammilouni, Khadija, elle a eu un mouqif tayyib, elle l'a aidé, elle l'a rassuré. Elle lui a montré qu'il était à la haq. C'est pour ça que c'est la première personne à avoir cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. An-nisa, les femmes, elles doivent prendre comme exemple هذه المرأة الصالحة. Et les hommes, ils doivent prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Et on doit tous prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Lakin pour nous montrer, si on suit nos modèles, bi-idhnillahi azza wa jal, ça ira beaucoup mieux. Que ça soit dans le couple, que ça soit fil ilm, que ça soit au travail, que ça soit fil majid. Ça nous montre les problèmes qu'on a et les manquements qu'on a, c'est à cause de. On s'est écarté de ces modèles. قال فالذي ينبغي للمرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في الزوج وأن تصبر عليه وبعد أيام يأتيهم أولاد فيشغلون بأولادهم. Ça nous montre que ذلك أن beaucoup de problèmes ça arrive au départ. Les premières semaines, les premiers mois, la première année, la deuxième année, les mains. Il y en a cet homme, il ne connaît pas encore totalement cette femme, elle ne connaît pas encore cet homme. Beaucoup de choses nouvelles. كذلك أحيانا بعضهم ils essayent de s'imposer, la femme elle essaye de s'imposer, ou l'homme il essaye d'imposer des choses de force qui ne sont pas imposées. Ça fait de la tension. خاصةً quand tu n'as pas d'enfant. لكن quand tu as des enfants, comme a dit Cheikh Mukbir rahimahullah, فيشغلون. خاصةً s'ils en ont plusieurs. Ils n'ont même plus le temps de se reprocher certaines choses. لماذا لأنهم ils s'occupent des enfants. Et كذلك les enfants, ça va unir ce couple أكثر. لأنهم ils ont une amana azima, c'est les parents de cet enfant. Et Cheikh Mukbir a relevé un point important, الصبر. Si l'homme ne patiente pas, et c'est valable pour la femme, ah, c'est très difficile que ce couple y dure s'il n'y a pas de patience. لماذا لأن cet homme il est avec cette femme كثيرا. C'est sa femme. Ils vivent dans le même foyer et ils sont ensemble tous les jours. Il a la bout de min sabr. Lâche que tu entendras une mauvaise parole. Et la femme aussi, lâche qu'elle entendra une mauvaise parole. Lâche que tu verras un mauvais comportement. Lâche qu'elle verra un mauvais comportement. Lâche qu'il y aura des faiblesses. Il n'y a aucun doute sur cela. S'il n'y a pas de patience, comment faire? La bout de min sabr. Et l'insan, il n'oublie pas le khayr. Il n'oublie pas. Même s'il y a des manquements, il y a du bien. Si tu veux que ce couple y dure, appuie sur les bons côtés. Et laisse pas Shaitan te guider, t'attirer vers les mauvais côtés. قال الشيخ رحمه الله أما إذا كان السني يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق فربما يكون هذا سببا لنفور كثير من النساء عن السنة. On a cité sa parole باختصار. Elle est beaucoup plus longue, laquelle on a résumé. Cheikh Mukbir, il termine cette réponse, ce conseil. Le fait de beaucoup divorcer, sahih, ça peut salir l'image de Ahl-Sunnah. Anna haoulay se marie et il divorce. Hatta certaines femmes, elles ont une mauvaise image. Anna haoulay se marie et quelque temps après, il divorce. Falayim bariyal. On le répète, le divorce, c'est la dernière étape. Quand tu peux plus, c'est la seule solution. Et ma'ahad, on se précipite pas. Mouchawara sa tayyib. Tu prends conseil vers tes proches, vers l'uqala. Tes parents, tes oncles, tes cousins, tes voisins, tes amis, خاصة العقلاء منهم. Des personnes qui ont de l'expérience, qui sont connues bi al-thabat ila akhirah, et tu leur en parles et ils vont te montrer beaucoup de choses. كذلك الرجوع الى اهل العلم. Si c'est une mas'ala que tu n'es pas sûr, ça demande un hukm shar'i, tu reviens à اهل العلم. على كل حال, ne pas se précipiter. Ne pas faire comme certains, ils se précipitent, tu es divorcé, thumma ils reviennent au savant. J'ai divorcé, j'avais pas l'intention, mon but c'était pas kada. Est-ce que je peux la récupérer? Tayyib, tu peux la récupérer. At-talaq marratan. C'est au bout de la troisième fois que cette femme tahrum alayhi. Peut-être que cet homme il va se reprécipiter une deuxième fois pour une chose futile. Taliq. Ça fait deux fois. Il reste plus qu'une fois. Au bout de la troisième fois, elle est haram alayhi. Au bout de la troisième fois, elle doit mettre le hijab. C'est plus sa femme. Le seul moyen pour qu'il se remarie avec quelqu'un, c'est qu'elle se marie avec un autre, il la divorce, et après il peut se remarier avec elle. Bien sûr, pas avec cette intention de se marier et divorcer, c'est haram. Mais si, qadr Allah, elle se marie et elle divorce, il a le droit de la redemander avec un nouveau mahr, il a akhri. Et beaucoup de gens, ils posent ce genre de questions à ces savants. J'ai divorcé deux fois ou trois fois, mais j'avais pas l'intention, il a akhri. Les mains à la précipitation. T'as même pas besoin de te précipiter à le prononcer. Si c'est utile pour toi et tu t'es renseigné et t'as choisi la bonne décision, ça viendra tout seul. Et ça montre la faiblesse, le haqiqa. Taliq, da'iman. Et après, yushriluna al-ulama avec ces choses. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, كذلك, il a une nasiha tayyiba. Qala, rahimahullah, wa ala al-mar'a. Taqwa Allah. والمعاشرة الطيبة لزوجها وعدم إيذائه بطلب الطلاق ولا بغيره من الأذى كالسب والشتم وعدم السمع والطاعة. شوف من باز يكونسي لفهم أولا أن لا بد من معاشرة طيبة un bon comportement et ne pas menacer هذا الزوج بالطلاق. Et هذا صعب كثيرا أن بعض النساء certaines qui ont un certain vécu ou qui ont des enfants ou farubama, elle pense qu'elle peut s'en sortir vivre sans cet homme. Enfin, la moindre chose, elle le menace. Hein, là, il y a une rahma. Ainsi, en tant que femme, tu demandes la rahma, le respect. Enfin, ton mari, kadalik, fallait même le menacer avec le talab. Hein, là, c'est très très grave. Une chose qui ne va pas, elle dit à son mari, si tu n'es pas d'accord, divorce-moi. Divorce-moi, on arrête et elle lui met la pression. cet homme, il a des enfants avec cette femme, et il pense à ses enfants, et elle essaie de l'affaiblir. Al-muraqaba, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Si un problème le régler, elle m'a menacé, elle n'a rien fait. Surtout, et on va citer le hadith, la nasta'ajil qala, kassab wa shatm. Et d'autres, iyadam billah, elles insultent. Elles insultent leur mari. L'imada. Insulter un étranger, on n'a pas le droit. Ce mari l'a insulté, l'imada. Si ça ne va pas, le conseil, s'il n'écoute pas, et ça arrive, les ananahnous, quand on dit ça, on ne dit pas que les maris ont toujours raison. Là, ahyanan, c'est la femme qui a raison. Là, l'imada a insulté. En l'insultant, cette femme, même si elle a raison, elle se met dans une position délicate. Au lieu de parler à son beau-père, maintenant, le père de ce mari, ou à sa belle-mère, ou à son père à elle, ou à son frère, ou à sa sœur, mouhim. Et elle essaye, elle islah, elle a fait kada, il m'a fait kada, il m'a pas donné mon haq, sans insulter. Si elle a le haq, elle trouvera sa famille, et sa belle-famille, ma'aha. Et le conseil, ya foulan, ittaqillah. Elle m'a insulté, même si elle a le haq. Qu'est-ce qu'il va dire le mari? Mais elle m'insulte. Et le uqala, ils n'acceptent pas qu'une femme l'insulte. Il m'a insulté. Tu as un haq, demande-le. Qala, wa sam'a wa ta'a. Et ça, ça nous montre, Anna, parmi les causes de divorce, c'est le mauvais comportement. Et كذلك ne pas obéir. لأنها هذه المرأة, en acceptant d'être la femme de ce mari, elle doit l'écouter. الرجال قوامون على النساء. L'obéissance du père, quand cette femme, elle accepte de se marier avec cet homme, l'obéissance du mari, ça passe avant l'obéissance du père. Elle doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite à son mari. Sauf si son mari l'appelle à faire quelque chose de haram, fala sam' wa la ta'a. La ta'a li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Cette femme qui a choisi, qui a accepté de se marier, elle doit respecter hada. Ça nous montre, on a parmi les grandes causes de divorce, adam sam' wa ta'a. Le mari est d'une chose, elle contredit, on doit faire telle chose là. Il prend telle décision là. Khassatan quand il y a des enfants, on doit faire ça là. La shak, c'est le haq du mari. Enfin, si elle ne veut pas, à force, ça peut pousser ce mari à vouloir passer à autre chose. Limada, il y en a parmi les fondements du mariage, c'est le bon comportement et كذلك, l'obéissance. L'obéissance. Limada, il y en a, c'est un couple. Si la femme ne revient pas au mari, ça cause que des problèmes. C'est pour ça qu'un couple qui va bien, c'est l'homme, il est à sa place, la femme, elle est à sa place. Mais maintenant, une chose, on doit faire. L'homme, il dit, on va à droite, la femme, elle dit, on va à gauche. Ça va faire que les séparer. فَلِهَذَا مِنَ الْحِكْمَةِ أَنَّ dans la maison, c'est un qui commande. C'est le mari. Bien sûr, sauf s'il se trompe, sauf si c'est quelque chose de haram, فَهَذَا, on le conseille. C'est la même chose que dans un pays. Pour qu'un pays, il va bien, il faut l'obéissance au gouverneur. Sauf si c'est le ma'asir. Amma le gouverneur, maintenant, il dit telle chose, et c'est pas haram. On doit lui obéir. Amma là, wahad, il veut faire telle chose, wahad, il fait une grève, wahad, il manifeste, wahad, il casse, wahad, il se rebelle. Ça fait que des fitans. C'est la même chose. Qala Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, kullu hada la yajouz. Madame al-zawj qa'iman bi haqqihi al-wajib, alayha an taqoum bi haqqihi aydan, ay al-mar'a. Tant que l'homme il fait ses devoirs, ses obligations, elle doit lui obéir. Elle doit lui obéir. Et s'il a des manquements, la patience est un nasiha. قال وليس لها طلب الطلاق مع الاستقامة بل هذا لا يجوز. Cheikh Ibn Baz insulte. Elle n'a pas le droit de demander le divorce. لماذا؟ سيأتي معنا إن شاء الله dans ces durous أن الطلاق سبيد الزوج. C'est ça la base. C'est l'homme qui divorce. La femme, dans certains cas, elle peut demander. Et Inch'Allah, on verra hada. Lakin la base, c'est que c'est l'homme. Enfin, le fait que la femme, elle demande khassatan sans raison, enfin, c'est très grave. Fali hada qala Cheikh Ibn Baz, la yajouz. Et on peut citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, huna qala alayhi salatu wa sallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghayri ma ba'sin fa haramun alayha ra'ihat al-jannah. Ay, une femme, n'importe quelle femme, elle demande le divorce alors qu'elle a accepté. C'est pour ça que dans ce cas, elle est injuste. Pourquoi tu as accepté de te marier avec lui? une chose, khalas, elle demande. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si elle demande le divorce, fi ghayri ma ba's, alors qu'il n'y a aucun mal. Alhamdulillah, elle a un appartement, elle a une maison, elle mange, il a affaire. Lakin, yadam billah, shaitan, il gonfle cette femme, elle veut des autres choses. Et elle demande le divorce. Elle est injuste envers cet homme. La récompense ou le châtiment, qu'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa haramun alayha, ra'ihatul jannah. Sentir l'odeur de l'jannah, ça sera haram pour elle. Fa l'wa'id, il est chadid. Al hadith, il est fi. Sunan Abi Dawud, l'imam al-Albani, rahimahullah, il l'a sahah. Qal al-Sheikh ibn Baz, rahimahullah, amma. إن كانت الحالة غير ذلك بأن أساء العشرة أو ما كتب الله لهما في قلبه أو في قلبها المحبة بل كانت تبغضه ولا تستطيع القيام بحقه للبغضة فلا مانع أن تطلب منه الطلاق. Ça c'est une des situations qu'elle a le droit de demander. Lakin on va citer الدليل et vous allez voir la manière. Anna, si cette femme, elle peut pas rester avec cet homme. Elle s'est mariée et elle ne savait pas que ça, c'était comme ça. Et maintenant, elle n'arrive pas à patienter à cause de... Ça arrive à cause de son physique, maintenant. Et l'intuhibbo, l'amour de son mari ne rentre pas dans son cœur. Et ça devient trop difficile pour elle. Il y a juste là, elle demande. Lakin ta'ammalu, la façon. On cite Hadith Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. في صحيح البخاري أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه لا فم دو ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ça vous montre أن هذه المرأة elle s'est pas précipitée, elle a pas insulté, معاذ الله, c'est une صحابية, femme d'un صحابي. فأولا, elle est partie voir النبي صلى الله عليه وسلم. Ça nous montre أن المرأة si elle a un problème, elle n'arrive plus, elle va voir son père, ou son grand frère, ou si elle peut demander à Ahad al-Mashaykh. C'est muhim, ça nous montre qu'elle ne fait pas les choses toute seule. Et le shaitan, il va rentrer. Qala, faqalat ya Rasulallah, Thabit ibn Qais, ma a'tibu alayhi fi khuluqihi wala din, walakin akrah al-kufra bil-islam. Et elle a dit, je reproche rien à Thabit, que ce soit son comportement ou son dîn. C'est un sahabi, radiyallahu anhu. Walakin akrah al-kufr islam. Elle ne pouvait plus rester avec lui et elle avait peur, si elle reste, de ne pas lui obéir. Et hadith al-mar'a, ça montre, elle savait haq zawjiha alayhi. Haq zawjiha alayha. Elle savait hada. Elle se précipite, elle se marie, elle ne connaît ni hukouk, ni rien, et la moindre chose, elle demande talaq, elle insulte, elles sont injustes. Wa'aduhun, elle sort du foyer, elle retourne chez les parents, et elle laisse hada zawj. Ça, c'est du zulm. Amma ta'ammalu hadhihi al-mar'a. Elle a reconnu fadl hada zawj, lakin kama ja'a fi riwaya, al-Hafidh ibn Hajar, il l'a cité, annaha, c'était par rapport au physique. Radiyallahu anha. Et elle avait peur de tomber fil ma'asiyah. Walakinni akraha al-kufra fil islam. Hadihi al-mar'a al-kunis sen-ni'ma. Elle savait que son mari avait un haq sur elle. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le divorce. Et est-ce que je peux demander qui me divorce? Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ataruddina alayhi hadiqata. Est-ce que tu vas lui rendre son mahr? Ça nous montre, Anna, si la femme, elle ne peut plus rester avec cet homme, pour une raison, son comportement, elle n'arrive plus à patienter, au niveau physique, ou elle ne l'aime pas, elle a tout fait, elle n'arrive pas, et ça se passe mal, et elle ne peut plus patienter. Fi hadha al-hal billati hiya ahsan tushawir waliyaha ila akhirah, et elle rend le mahr. Vous vous rappelez, ma taqaddam ma'ana, Anna, parmi les méfaits, quand le mahr il est trop élevé, c'est compliqué pour le rendre. Amma huna, النبي صلى الله عليه وسلم إلى دي هذه الصحابية إسكتور المهر قالت نعم التي نعم جلويق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليق إلى دي قيس رضي الله أو ثابت بن قيس رضي الله عنه accept a divorce. هذا من الرحمة. الشيخ بن باز رحمه الله قال si elle accepte أو si elle accepte pas, l'homme il n'accepte pas, il dit là j'accepte pas, elle ne me rend pas le mahr et j'accepte pas ce divorce, elle patiente et elle fait dehors. L'homme dans ce cas il est obligée d'accepter. Imbab al-Rahman, yannaha, elle ne peut plus. Et ça, c'est une mas'ala fil fiqh qu'on détaillera pas à la kulli hal. Si l'homme yarham hadi al-mar'a, falhamdulillah. Lakin, ta'ammalou l'qissa. La femme, elle n'a pas dépassé les limites. Sahabiya. Elle a respecté ce sahabi, elle a été voir le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. As-sahabi, radiyallahu anhu, il reconnaît le ma'ruf, il lui a facilité. Il a accepté le mari, il l'a divorcé. Alhamdulillah, intahina. Amma, à cette époque où on vient, a'oudou billah, certains cas, t'essayes d'arranger. T'essayes de regarder la cause, tu étudies la cause du divorce, limada. Qu'est-ce qui se passe? Wallahi, ahyanan, c'est des choses, na'oudou billah. Na'oudou billah. Ils se sont mariés, ça se passait bien, il a arrêté. Thumma des choses futiles. Kibrun, wa kadibun, wa rishun. Et personne ne veut admettre, na'oudou billah, shaitan, il en profite et ce couple, il est malheureux. Limada, pourquoi tout cela? Insan, il fait attention. Et l'histoire qu'on a racontée, qu'on a citée dans Sahih al-Bukhari, en général, c'est au départ. Au départ, la femme, elle peut découvrir l'homme, ou ça peut arriver à l'homme qui découvre la femme, et en fait, elle ne lui plaît pas, elle ne rentre pas dans son cœur, et avant d'avoir des enfants, et chacun d'eux, il veut le bien pour l'autre, et ils arrêtent en s'arrangeant, alhamdulillah. Là, qui n'a rien, le couple, 5-6 ans. Donc, ils ont réussi à rester ensemble, et chacun y tenait à l'autre, là, qui une cause futile à l'arrêt, et ils oublient tout le khayr. Hada la yambari. La yambari. Kadhalik, et on finit avec hada, al-islah, bayna al-zawjayn. Anna nahnu, on a un rôle kadhalik à jouer. Alors, peut-être que ton couple y va bien, lakin tu sais que ton voisin, ou ton cousin, ou ton frère, ou tes parents, mouim, quelqu'un de tes proches, ils ont des problèmes. Alors, on doit faire le nécessaire pour l'islah. C'est des choses, c'est shaitan. Et la femme, elle tient l'homme, l'homme, il tient la femme. Mais chacun, il a du mal à admettre. Et si une personne de l'extérieur, elle rentre pour conseiller, ça se passe très très bien. Comme a dit Allah Azza wa Jalla, wa in khiftum shiqaqa baynihima, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Si vous avez peur, un shiqaq baynihima, ay. Al-shiqaq, c'est la divergence, la séparation. Fab'athu na'am hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ay, mathalan, un responsable de cette femme avec le frère de ce mari ou son père, muhim, un homme de la famille de la femme et un homme de la famille de l'homme. Et il parle et l'homme il dit la version à son proche, la femme elle dit la version à son proche. Et il parle, thumma il conseille chacun d'eux, inshallah, yakun khayr kathir. قال عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما تأمل قوله إن يريد إصلاحا si veulent les deux l'islah la réconciliation et se remettre ensemble Allah subhanahu wa ta'ala il facilitera ça montre un endroit avoir une bonne intention le but ça doit pas être de faire du mal à l'autre بعضهم يمنت عيادا بالله ils ont des problèmes de couple ثم مثلا la famille elle s'en mêle. Ils veulent réconcilier et chacun essaie de faire tomber l'autre par tous les moyens. Des mensonges, il a akhri l'imad. Pour avoir le dessus, hey, c'est moi qui avais raison. Là, on est des mu'minoun. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Les anges, ils ont tout noté. L'essentiel, c'est d'arranger le problème. Et ça arrive. Si c'est de ma faute, je demande pardon, je me corrige. Si c'est la faute de la femme, elle se corrige. Et alhamdulillah, on s'est réconcilié, on a fermé la porte à Shaitan. Et on continue. Et le jour où il y a un autre problème, falhamdulillah, on sait comment se comporter. Fa'ala kulli hal hadhihi nasiha fi hadha al-bab limadha li'anna on vit à une époque où hadha al-bab hadhihi al-mas'ala at-talaq beaucoup de gens ils se précipitent. C'est pour ça que tu trouves l'un dans la communauté, il y a beaucoup de divorces par rapport aux générations précédentes et hadha la yandar. At-talaq ça peut être une rahma. Celui qui en a besoin, il le prend comme ilaj, comme solution. Et il le met comme dernière solution. Là, il y a des étapes. Amma, utiliser le divorce pour faire du mal à l'autre. Oh, pardon, Kadali qui divorce maintenant avec sa femme, il espère se marier avec une femme, Robama, plus belle, plus jeune. Il a akhir. C'est une fitna hadi. Thumma il va se marier avec la deuxième, thumma il a divorce, thumma une troisième. C'est une fitna hadi. Comme a dit le Cheikh Mohamed, ça fait du mal. Aux gens de la sunnah. L'insan, il se contrôle. Et même il m'a dit, elle a du nox. Cette femme que tu veux divorcer, elle a des faiblesses. ne pense pas que tu vas te marier avec une autre, elle n'aura pas ses défauts. Peut-être qu'elle aura encore plus que la première. Maintenant, regarde la femme qui se précipite à demander à son mari qu'il la divorce et elle pense qu'elle va se marier avec un autre homme et il va lui donner. Robama, elle tombe avec un autre homme, c'est plus rassentel si la personne, elle était injuste. Robama, tubdala, Allah, il l'éprouve avec quelqu'un d'injuste. Hatta elle reconnaîtra plus tard la ni'ma qu'elle avait au départ. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع ونكتفي بهذا et le prochain درس jeudi inshallah à la même heure on citera des ahkam يعني ça c'était une muqaddima une brève introduction sur le divorce et la gravité de se précipiter et les prochains درس inshallah ça sera des ahkam et quand est-ce que tu peux divorcer ta femme comment il a akhir حياكم الله نكتفي بهذا القدر والحمد لله